Bon, bi nak benn borom xaalis la woon quoi. Waaji dafa amoon xaalis tellement que ni il savait pas quoi en faire. Bon, léegi mu ne dafa organiser benn concours. Léegi concours bi lan la woon? Bon, day jël ay nit daal. Léegi nit ñi dañuy jugee dernier étage benn immeuble 200 étage quoi. Léegi ku si jugee si kaw wàcc ba si suuf dara jotu la rek am nga 10 millions de dollars. Ouais, ñu def pré-sélection yi nak. Biñ defee pré-sélection yi nak, y avait que 3 candidats. Maanaam y avait un Sénégalais, y avait un Italien et y avait un Chinois quoi. Xam nga, sama gars yi di cëpp-cëpp quoi. Ku si nekk yaakaar ni daal 10 millions de dollars yi sa dëkk la jëm. Borom xaalis neen ok. Bon, léegi nak Italien bi moo njëkk tëb. Italien bi yegg ba si kaw. Waaye rek tëb. Tëb rek commencé a wax Jésus, Jésus, Jésus, Jésus. Waaye wàcc ba si suuf rek sa waaji dee quoi, Italien bi quoi. Ndeysaan, xam nga. Waaye yeneen ñaari gars yi tiit. Sénégalais bi ak Chinois bi. Xam nga. Waaye Chinois bi di motivé quoi. Non mais waaye dara. Man lii. Xaalis bi Chine la jëm lii du problème. Chinois bi tëb laa la wax. Chinois bi dafa commencé tëb rek commencé wax buda buda buda buda buda. Waaye wàcc gars yi ne cëpp ralentir yooyu quoi dara jotu ko laa la wax gain. Waaye Sénégalais bi gis loolu nag ne waaye ne affaire moom nu mu demee nii nag. Waaye Sénégalais bi ne non garaawul man moom affaire moom taw la jëm xaalis bi quoi. Léegi Sénégalais bi moo waroon tëb. Sénégalais bi ñëw rek tëb quoi. Commencé tëb rek ne Allah Allah Allah Allah Allah. Waaye wàcc baay 30 mètres yoo rek ne buda buda buda buda buda.